pouvez vous me mettre 100 000 gagnants sur Brumoise. Vous pouvez pas m'refuser ça un seul. Wa 1 2 1 2. What? I don't have any drums. No drums here. Thank you. Thank you.